Maïf. Un conseiller. C'est quoi le rôle d'un conseiller? Vendre à tout prix ou conseiller avant tout? À la Maïf, chaque acte compte. Nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission et n'ont rien à gagner à vous proposer un contrat plutôt qu'un autre. Bref, le seul intérêt qui est en jeu, c'est le vôtre. Maïf, assureur militant. Numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance depuis 17 ans. Enquête Bearing Point TNS Offres réalisée en 2020 auprès de 4000 personnes. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La mode, une histoire haute en couleurs, mais que nous dit la couleur de nos vêtements? En 1605, le botaniste Claude Duret fait paraître un ouvrage au titre très séduisant, Histoire admirable des plantes et herbes, émerveillable et miraculeuse en nature. Nous y apprenons qu'en premier, le rouge cramoisi de haute couleur demande plus de cochenilles que ne fait brun ni les autres. Nous apprenons aussi que la robe de cette cochenille ou graine vaut plusieurs ducats. Diantre, elle coûte cher. La cochenille, une graine. Mais non, c'est un insecte. Ah, que de mystère autour de cet animal. Que de commerce aussi. Allez, posons nos deux pieds en canard. C'est la cochenille qui redémarre. Daniel Buty, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que la cochenille ? Alors, la cochenille, c'est un insecte de la famille des hémiptères et qui a la particularité d'être en fait un prédateur, un parasite. Il a besoin d'une plante hôte et les jardiniers connaissent bien sûr des tas de cochenilles qui les embêtent dans leur jardin. Ils vont dans les rayons pour acheter des produits pour les détruire. Mais en fait, il y a des cochenilles qui ont très tôt été utiles à l'homme parce qu'on a découvert pour certaines d'entre elles, très particulières, leur pouvoir colorant. Oui, parce que c'est ça qui est au cœur de votre travail, Daniel Buty, avec Gilbert Buty. Mais dites donc, vous vous connaissez? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça fait quelques décennies que nous connaissons et que nous travaillons ensemble. Vous travaillez ensemble et justement, vous nous proposez Rouge cochenille, histoire d'un insecte qui colora le monde, 16e, 21e siècle, publié au CNRS édition. C'est vrai, cet insecte, nous le trouvons partout. Déjà, il faut le rappeler, ce n'est pas un insecte rare, quelque chose qui est difficile à trouver. En revanche, il y a beaucoup de types de cochenilles. Beaucoup de cochenilles, effectivement, et ce sont des parasites, pratiquement toutes les plantes, il y en a à peu près 300 avec un plateau répertorié de cochenilles, mais cette cochenille-là est une cochenille qui a cette particularité de fournir ce piment si précieux. Alors d'autres cochenilles ont été utilisées avant la cochenille mexicaine, la cochenille de Pologne, la cochenille d'Arménie, et plus proche de nous, la cochenille de Provence, du chêne Kermès, qu'on appelle aussi le vermillon, et c'est une fois la cochenille américaine donc découverte. Eh bien, elle a concurrencé largement ces cochenilles européennes ou eurasiatiques. Bah oui, comme une évidence, hein, il ne faut pas attendre la découverte, comme on dit, de l'Amérique, ou en tout cas que le commerce se fasse avec les Amériques pour avoir du rouge chez nous. Quels étaient d'ailleurs les possibles rouges avant cette cochenille mexicaine? Daniel Buty, il y avait plein de... Il y a plein de plantes. Alors là, il y a Dominique Cardon qui est la grande spécialiste des teintures naturelles et qui donne bien sûr pour les rouges toutes les plantes possibles et les racines, particulièrement la racine de la garance qui était le rouge le plus anciennement connu et utilisé pour teindre les vêtements. Et puis sur ce commerce des rouges, c'est vrai que nous avons cette idée de la pourpre antique, mais là, nous sommes aussi sur un animal, mais ce n'est pas le même, Gilbert Buty. Oui, effectivement, la pourpre antique rappelle la puissance de l'usage, mais en même temps, un usage qui n'a cessé de se réduire avec la ressource. Parce que finalement, c'est l'épuisement de la ressource de Murex qui fait qu'il y a eu cet abandon de cette utilisation. Et il y a, en revanche, on s'est tourné plus vers la cochenille du chêne Kermès, vers le vermillon, pour remplacer ce murex qui était en voie de disparition. Oui, c'est un coquillage, un coquillage qui était en voie de disparition. Donc, il y avait des possibilités de faire du rouge, mais vous utilisez ce mot, Gilbert Buty, de vermillon. Aïe! Alors, attention, champ lexical du rouge. Daniel Buty, de quel rouge parlons-nous? Alors, quand on parle du vermillon, c'est parce que c'est le terme d'origine provençale. Parce qu'en fait, le vermillon, c'est un pigment d'origine minérale, mais qui est en fait qui a été utilisé longtemps, qu'on connaît aussi sous le nom de minium, mais qui était finalement toxique par la suite. Aïe, voilà. C'est ennuyeux ça. Oui, donc c'est vrai qu'il y a la superposition des deux mots, mais le chêne kermès, le kermès des teinturiers, a souvent été appelé par la suite vermillon. Voilà, donc il y a des possibilités nombreuses pour faire du rouge, alors en s'appuyant sur un coquillage ici, un autre insecte là. Mais l'insecte qui vous a intéressé nous conduit en Amérique, Amérique précolombienne. Une seule couleur peut donner tant de variations. Avec quelques gouttes de citron ou bien une pincée de chaux, on obtient une variété de tonalités. En ces temps-là, il n'existait que les dieux sur la terre. On raconte que deux de ces dieux luttèrent pour avoir la suprématie d'un champ en semant cette cactus nopale. Ils luttèrent tellement qu'ils se blessèrent. Et les deux dieux moururent. Leur sang imprégna les cactus. Ainsi vint la cochenille, c'est le sang des dieux. Ah, la cochenille serait le chant des dieux tel que présenté, le sang des dieux tel que présenté sur France 3 en 2001. Justement, Gilbert Buty, il ne faut pas attendre non plus l'arrivée des Européens en Amérique pour que cet insecte, la cochenille, soit utilisée pour son rouge. C'est utilisé pour le rouge par les Amérindiens, qui est utilisé pour le pigment, cette solidité et un rouge qui peut être décliné en fait, disons du rose pratiquement au violet, donc là, c'est une gamme importante. Et les Amérindiens utilisaient pour teindre des vêtements, mais surtout pour les usages corporels, c'est utilisation pour le corps, à la fois pour question de beauté disons, mais aussi pour repousser certaines maladies. Donc il y a toute une utilisation également pour des décorations intérieures. Donc là, ce produit qui était utilisé et qui est une cochenille particulière, Daniel le dirait peut-être mieux que moi, c'est une cochenille qui a été sélectionnée. C'est-à-dire il y a eu, les Amérindiens ont effectué toute une sélection de cochenilles pour finalement parvenir à cette cochenille ayant un pouvoir tinctorial important. Sélection également du cactus, du cactus hôte, du nopal. Et au passage, le cactus qu'on retrouve sur le drapeau mexicain, il se rappelle un petit peu cette épopée. Daniel Buty. Oui, parce qu'en fait, la cochenille, au départ, c'est un insecte parasite, donc on la trouve sur les cactus. Et donc, il y a plusieurs types de cochenilles. Ce qui fait que toute la zone de la cordillère des Andes à l'Amérique centrale, même le sud des États-Unis actuels, avait des cactus, donc avait des cochenilles. Donc, elles étaient sauvages. Et on se contentait de les récolter. Et dans certains pays, on a continué à les récolter, comme par exemple au Pérou. Par contre, au Mexique, on a trouvé les variétés. Aujourd'hui, ce sont les spécialistes du codage génétique qui ont trouvé une espèce qui a été entièrement domestiquée, qui n'a plus rien à voir avec la sauvage, la sylvestre, comme on disait. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Vous avez donc un parasite sur un cactus, formidable, mais enfin, de là à en faire un pigment, enfin, quelque chose pour teindre, il y a énormément de démarches. Alors, comment ça se passe? Donc, déjà, il faut récolter l'insecte. Il faut récolter l'insecte. Et le terme employé, on dira davantage même élever l'insecte, c'est même éduquer. On parle de l'éducation de la cochenille. Donc il s'agit de placer sur les cactus, sur les raquettes de cactus, donc sur les branches, on dira, mais les raquettes de cactus, de placer ces cochenilles. Alors les cochenilles, ce ne sont que les femelles qui sont utilisées pour la coloration. Et donc, il va y avoir la mise en place de ces femelles. Puis ensuite, au bout de quelques mois, de quelques années, eh bien, on va les faire tomber des raquettes de nopales avec des écureuils, des plumes, bon, très délicatement. Et on va ensuite faire sécher ces cochenilles. Alors, plusieurs modes de séchage, soit dans des fours, mais il faut être prudent pour éviter de les calciner. Au soleil, c'est la meilleure méthode. C'est celle qui va permettre de conserver le plus fort pigment. Et puis, une fois que ce pigment est là, nous sentons bien qu'il faut énormément de maîtrise pour obtenir le pigment. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez le faire. Moi, non, je ne peux pas. J'aurais du mal à colorer un vêtement avec de la cochenille. Ça demande énormément de maîtrise et de savoir. Alors, le problème, c'est que c'est un pigment et qu'il faut pouvoir le fixer. Et la caractéristique de la cochenille, c'est un animal, donc elle a des affinités davantage avec les fibres animales plutôt qu'avec les fibres cellulosiques. Et donc, il y a nécessité, alors là, c'est tout l'art des teinturiers, alors dans tous les pays du monde, qui utilisent toutes sortes de plantes pour trouver le fixateur, le mordant, pour faire l'opération de mordansage qui permettra de faire rentrer le pigment à l'intérieur des fibres. Alors ça y est, nous avons notre insecte, nous l'avons éduqué, nous l'avons fait sécher, et nous en avons obtenu un pigment. Mais nous nous trouvons en Amérique précolombienne, là où arrivent des visiteurs. Que valent les songes ? Sur les rivages de l'Est, un dieu de l'ancien Mexique s'était sacrifié. Il avait dressé son bûcher au bord des vagues et s'était immolé. Il s'appelait Quetzalcoatl. On le disait de peau blanche et barbu. Il avait annoncé qu'il reviendrait. Or, sur ces rivages, un homme blanc allait aborder. L'ancien Mexique crut au retour du dieu sauveur, tel était le mythe. La vérité fut autre. Sur le Mexique vaincu, un homme élève son effigie. S'il était blanc, c'était comme le fer de l'épée, c'était le conquistador. Par force, il implanta le symbole du dieu qu'il apportait. Un dur palais-forteresse témoigne encore de l'énergie et de l'ambition de celui qui voulut être l'égal d'Alexandre le Grand, et qui le fut, Hernán Cortés. L'art du Mexique présenté dans l'émission Terre des Arts en 1962. Tout de suite, les Européens qui arrivent en Amérique, au Mexique notamment, s'intéressent à cette possibilité d'avoir des vêtements d'un rouge, mais d'un rouge qui a étonné d'ailleurs ces conquistadors. Gilbert Buti. Oui. Étonné par l'éclat de la couleur et par la solidité également de la couleur. Alors, ils ont été à demi étonnés sur les marchés de voir ce produit qui ressemblait à un produit connu, donc au vermillon qu'ils ont pu voir en Espagne, mais qui ressemblait aussi à une petite graine de la taille un petit peu de graine de poivre, d'où aussi l'appellation de grane. De graine et la confusion qu'il va y avoir, est-ce que c'est une graine, est-ce que c'est un insecte? Alors confusion peut-être, mais aussi confusion entretenue par les Espagnols pour éviter que ce produit-là puisse ensuite échapper à leur contrôle, à leur monopole. Oui, c'est quelque chose de passionnant d'essayer de retracer un peu cette histoire de la cochenille, de se dire que l'insecte était connu. En Europe, ses pouvoirs colorants étaient connus, mais que les Espagnols, en découvrant cette cochenille mexicaine, veulent cacher en fait cette filiation. C'est pour ça que la cochenille est présentée comme une graine, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une vraie volonté en fait des Espagnols. Ah oui, c'est une volonté pour conserver le monopole et aussi pour mettre des concurrents sur des pistes autres, d'où les Anglais, les Français, les Hollandais, essaieront de trouver ailleurs des lieux pour s'approvisionner. Gilbert Buti, vous êtes professeur émérite d'histoire à l'université Aix-Marseille, chercheur à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Et justement, en travaillant sur cet insecte minuscule, en fait, nous nous rendons compte qu'ici, nous touchons à un commerce qui est beaucoup plus large que simplement de se dire nous avons la possibilité d'obtenir un rouge éclatant pour certains vêtements. Oui, en fait, la cochenille va quitter le Mexique, sous vraiment le contrôle des autorités espagnoles. Et cette cochenille va partir dans deux directions qui vont un petit peu se rejoindre d'ailleurs, vers l'Europe. Avec le monopole des arrivées des navires espagnols à Séville, puis à Cadix, et depuis Cadix ou d'abord Séville, il y aura une redistribution vers l'Europe. Et il y a également de la cochenille qui quitte le Mexique, part Acapulco, et avec le galion de Manille, file vers l'Asie. Et donc il y a déjà cette circulation mondiale de cet insecte sous le contrôle espagnol. Parce que circulation mondiale en raison d'une efficacité incroyable. Et ça, il faut le dire, hein, Daniel Buty, bien sûr, il y avait des colorants pour faire du rouge. Le problème, c'est qu'au lavage, ça s'affadissait très vite. Voilà, alors c'est la particularité de tous ces insectes colorants, que ce soit les premiers qu'il y avait, qu'on connaissait en Europe, la cochenille polonaise, arménienne, ou même en Asie, les cochenilles qu'on appelle les cochenilles à lac, mais il en fallait des quantités colossales. Ça coûtait extrêmement cher. Venise avait le monopole un petit peu de ces colorants pour l'Europe. Et très vite, on s'est rendu compte que le pouvoir tinctorial de cette cochenille femelle était énorme, puisqu'on a évalué aujourd'hui entre 17 et 25% d'acide carminique, ce qui est assez important. Et donc, on avait des possibilités de réduire les quantités utilisées, qui étaient de l'ordre de 10 fois moins, voire 50 fois moins pour les cochenilles européennes, comme on les appelle. Et la particularité, c'est qu'elles sont d'une solidité, et c'est ça qui fait la valeur. Oui, c'est ça qui fait la valeur, hein, c'est cette solidité, c'est cette faculté de conserver son rouge. Parce que nous n'imaginons pas, évidemment, je sais pas moi, Charles Perrault, écrire un conte, celui du chaperon rouge un peu délavé. Il était une fois une petite fille, si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. Sa grand-mère lui avait fait faire un petit capuchon rouge qui lui allait à ravir. Aussi, tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit: va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait un autre village. En traversant le bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger. Ah oui, ça, compère le loup. Toujours derrière Charles Perrault, hein, le petit chaperon rouge en 1697. Gilbert Buty, les loups sont là, ils guettent autour de ce commerce de la cochenille. Il y a une vraie concurrence. Arrive-t-on à estimer un peu l'ampleur de ce commerce transatlantique ? Difficile à estimer. Bon, on a les chiffres d'arrivée des flottes donc à Cadix et à Séville. Et il faudrait cependant aussi connaître la part de la fraude, la part des loups de mer, la part des corsaires ou des pirates qui connaissent la valeur de ce produit et qui n'hésitent pas, lorsqu'il y a un bâtiment qui en est pourvu, à le prendre. Ensuite, il faut bien sûr trouver la complicité pour écouler ce produit. Mais là, les complicités se trouvent parfois même jusqu'au plus haut niveau des États. Oui, parce que nous imaginons facilement ces vaisseaux remplis d'or, remplis d'argent, mais ça prend de la place, l'or et l'argent. La cochenille, ça ne prend pas de place. Hein. Non, pas du tout. C'est ce qui peut-être explique le peu d'intérêt que les historiens ont accordé à ce produit, car finalement c'est un produit peu volumineux, alors qu'on est attentif aux masses, aux quantités. Tandis que là, la cochenille, deux sacs de cochenille, par exemple, pouvaient représenter la valeur d'une cargaison de blé. Ouais, c'est incroyable de se dire que si peu de cochenille vaut très cher. Vous évoquez un peu l'intérêt des historiens pour ce produit. Georges Roux vient de faire paraître, mais avec un regard d'historien d'art, la cochenille de la teinture à la peinture, une histoire matérielle de la couleur chez Gallimard. Et puis vous, Daniel Buty et Gilbert Buty, vous arrivez avec Rouge cochenille, histoire d'un insecte qui colora le monde, 16e, 21e siècle, publié au CNRS édition. Mais c'est vrai que ce regard apporté sur la mondialisation visualisation à partir de ce petit insecte permet aussi de toucher la sensibilité, l'attrait de la couleur. Et c'est cela qui est passionnant parce que s'il y a un commerce, c'est qu'il y a un succès, Daniel Buty, de la cochenille. Le rouge est à la mode, il y a un goût du rouge. Alors le rouge a une symbolique très forte dans beaucoup de pays, mais il a tellement de signification que c'est difficile de l'associer véritablement à une signification. La caractéristique de ces pigments très rares, comme l'a été le murex pour donner la couleur du pourpre, c'est que ce sont des pigments qui sont finalement rares, donc très chers, et donc on va les réserver à des usages bien particuliers. Et comme on obtient une couleur, alors c'est pas tant la teinte que la solidité, la brillance, la saturation qui fait que finalement on recherche les plus beaux tissus et on y met la couleur rouge pour lui donner encore plus d'éclat. Oui, parce que dans ce commerce autour de la cochenille, il n'y a pas simplement l'idée de colorer un vêtement en rouge. C'est quel vêtement coloré ? Vous nous l'avez dit, Daniel Buty, la cochenille s'adapte très bien à ce qui est animal, voilà, comme tissu. C'est-à-dire, mettons de côté le coton, il nous reste quoi ? Le coton, il a peu d'affinité parce c'est l'élulosique, donc on pouvait le faire, mais il aurait fallu en utiliser de trop grosses. Donc là, c'est la laine. Et la soie, bien sûr, la soie. Donc là, on rejoint bien sûr un autre insecte. Ils étaient faits pour se rencontrer, ces deux-là. Et les plumes, le cuir, les peaux de lapin, les fourrures, on pouvait teindre. Oui, c'est ça qui est fascinant, c'est de dire que ce commerce de la cochenille touche à d'autres commerces. Est-ce que nous pourrions dire que nous sommes dans l'industrie du luxe ici ? C'est tout à fait. C'est vraiment un produit qui est associé à l'industrie du luxe, avec parfois des démarqueurs qui sont tout à fait peut-être oubliés aujourd'hui, mais à la cour de Louis XIV, de Louis XV, les talons rouges avec cuir, le cuir teint, c'était le signe, le symbole de l'aristocratie. Et on disait d'ailleurs les talons rouges pour dire les aristocrates. Et c'est le même phénomène qui se passe au Vatican, en tout cas dans le clergé. Il y a aussi cette volonté d'utiliser ce rouge. Ce rouge, est-il qualifié de rouge cochenille ? Donc c'est rouge, on dira rouge écarlate ou rouge carmin. Puis ensuite, il va y avoir toute une gamme qui va être donc déclinée. Mais disons le terme d'écarlate ou de cramoisi est un terme, disons, je vais dire générique. Georges Roch le dit très bien. C'est un terme qui peut être utilisé pour le jaune, pour le bleu, on pourrait dire bleu écarlate, bleu cramoisi. Ça donne la tonalité de la couleur. Mais peu à peu, le rouge est tellement associé que quand on dit écarlate ou quand on dit carmin ou cramoisi, on pense au rouge. Mais au départ, c'était quand même une tonalité qui avait une spécificité. Oui, et puis il y a malgré tout dans le choix d'utiliser alors un pigment particulier, la volonté d'aller vers la cochenille dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du pouvoir. Nous sentons bien qu'il y a un lien évident entre cet insecte qui vient là-bas d'un cactus et puis le pouvoir qui se montre, qui se met en place en Europe. Et le pouvoir également par les utilisateurs, par les marchands, je dirais même plutôt par les négociants qui sont des marchands en gros, des banquiers, des armateurs. Donc là, ce sont ces négociants qui contrôlent le marché. Cherchez la cochenille, vous trouvez les négociants, ou bien cherchez les négociants, vous allez trouver la cochenille, avec des spéculations étonnantes à l'échelle européenne pour essayer de contrôler le marché de la cochenille en Europe. Dès qu'il est question de couleurs et de symbolique des couleurs, un nom surgit, celui de Michel Pastoureau. Il y a des traditions iconographiques qu'il faut faire moins rigoureuses qu'on ne pourrait le penser, parce qu'il ne faut pas voir une grammaire des couleurs dans l'image occidentale et dans la longue durée, mais il y a quand même des habitudes, des fréquences, des éléments récurrents Et c'est vrai que Judas a très fréquemment une robe jaune pour souligner son caractère félon, son caractère traître, de même que Marie-Madeleine, qui est une pécheresse, a pendant très longtemps une robe rouge qui renvoie à la prostituée qu'elle a peut-être été avant de rencontrer le Christ. Tout cela est assez nettement codé dans l'image médiévale sans que ce soit une obligation pour les artistes et notamment pour les peintres de recourir à ce code. De même, la Vierge, par exemple, est associée à la couleur bleue à partir du XIIe siècle. Et le fait que le manteau ou la robe de la Vierge soit bleue contribue naturellement à valoriser la couleur bleue. Mais cela n'empêche pas des Vierges d'autres couleurs de se rencontrer du XIIe jusqu'au XVIIe siècle. Michel Pastoureau qui s'exprimait dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture en 1990. Michel Pastoureau, alors grand historien de la couleur, qui lui aussi a consacré un ouvrage, hein, Rouge, histoire d'une couleur. Dans cette symbolique, et nous l'avons entendu avec Michel Pastoureau, il y a énormément de sens possible avec le rouge. C'est ça aussi qui est intéressant. Daniel Buty, ce rouge, c'est celui du pouvoir, mais nous l'avons entendu, Marie-Madeleine, prostituée, est rouge aussi. En tout, alors il est difficile de trouver son chemin à travers tous ces symboles. Oui. Ce qui est certain, en revanche, c'est le succès du rouge. Au XVIIIe siècle, le rouge est une évidence. Oui. Un petit peu avec la même idée que le pourpre a fini par être la couleur de la puissance royale, impériale, ecclésiastique, puisque on disait la pourpre cardinalis. Quand la cochenille, enfin le kermesse au départ, puis ensuite la cochenille qui est très vite arrivée, on n'a pas hésité à changer le code de reconnaissance, puisque le pape Paul II autorise et demande à ce que les tenues des cardinaux, et de lui-même aussi d'ailleurs, à être teintes avec le rouge. Le rouge et donc c'est cette couleur qui va prendre tout cette puissance codée. On peut dire cela, puisque on reconnaissait ces personnages et ils se faisaient représenter avec leurs plus beaux habits, dans les qualités les plus luxueuses, les plus précieuses, avec de la couleur rouge utilisée avec la cochenille et les peintres, d'ailleurs, représentés parce que la cochenille a été en quantité beaucoup plus réduite, évidemment, puisque le grand débouché, c'était la teinture, mais on utilisait ce pigment sur leur tableau pour représenter ces personnages puissants. Oui, c'est ça, hein, Jules II représenté par Raphaël, c'est le rouge cochenille. Oui. C'est ça, c'est un dialogue qui se fait entre l'artiste, l'homme de pouvoir, mais en fait, et c'est quelque chose sur lequel il faut insister, Gilbert Buty, avec le commerçant. Et dans votre travail, nous le sentons bien, hein, il y a des cartes, il y a des lieux, Marseille. C'est une place importante hein, pour ce commerce. Une place importante, c'est une place, la place la plus délicate d'Europe. C'est une formule employée par un négociant de Cadix. Donc, il ne s'agit pas de chauvinisme. Hein. Il s'agit donc de rappeler la volonté à Marseille des négociants de s'approvisionner dans la cochenille la plus fine. Parce qu'il y a en fait, on peut acheter de la cochenille disons grossière, des grabots, c'est-à-dire des morceaux, ou même de la poussière de cochenille. Il y a de la cochenille qui disent avariée. C'est la cochenille avariée. En fait, c'est la cochenille qui a été récupérée après un naufrage. Donc, selon le temps laissé dans l'eau, le pouvoir teintorial sera réduit. Mais à Marseille, on va vendre ces produits, oui, sous les étiquettes avariées, grabots, poussières. Mais il y a la cochenille fine, la grana fine. C'est celle qui est recherchée par les Marseillais et qui est utilisée dans deux directions. Non pas à Marseille, parce qu'à Marseille, il y a une très faible consommation de cochenille. Mais Marseille redistribue la cochenille. Alors, Marseille, bien sûr, s'approvisionne à Cadix, avec les correspondants qui sont à Cadix, avec des contacts aussi avec Amsterdam, avec Londres. Mais donc Marseille va redistribuer la cochenille dans deux directions, vers les manufactures de Languedoc, vers Carcassonne, Penautier, Clermont-l'Hérault. Et là, dans les manufactures, eh bien, les manufacturiers vont devoir teindre des draps en tenant compte des directives, des règlements très stricts et qui ont été mis en place par Colbert et ses successeurs pour que les draps puissent être de très bonne qualité, que les assortiments soient les meilleurs et être redistribués vers l'échelle du Levant. C'est là la deuxième grande direction de la redistribution de la cochenille sous la forme de draps teints, mais également de cochenille brute. on l'envoie vers les échelles du Levant, Alexandrie, Salonique, Constantinople, Smyrne, de la cochenille brute qui va être utilisée sur place, dans les ateliers, pour des teintures, pour des tapis, pour des soieries. Mais une partie de cette cochenille va ensuite partir vers Bagdad, vers Bassora, vers l'océan Indien, et pratiquement rejoindre pratiquement Manille, dans le tour du monde des fées, avec cette mondialisation et toute une spéculation pour tenir compte à la fois de la quantité des produits disponibles dans l'échelle du Levant, mais tenir compte aussi des goûts des consommateurs. Et il y a donc sur place les régisseurs qui indiquent aux négociants marseillais ah, maintenant on préfère tel rouge ou ceci, ou envoyer plutôt du bleu mais pas de vert. Et là, donc, toute une circulation d'informations qui donne aussi des informations sur les goûts et les couleurs. Quand la mode voit rouge, rouge cochenille ou rouge sardou. Rouge comme un soleil couchant de Méditerranée. Rouge France Culture. Rouge, comme les joues d'un enfant quand il a trop joué. Rouge, comme la pomme qui te donne le parfum du péché. Le cours de l'histoire. Rouge, comme le feu du volcan qui va se réveiller. Rouge, comme cette étoile au cœur de ce dormeur couché. Xavier Mauduit. Oui, rouge, Michel Sardou dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique d'Alia. Rouge, parce que c'est la couleur qui nous intéresse. Ce rouge cochenille, cette histoire, une histoire mondiale, hein, une histoire du commerce, une histoire des représentations aussi. C'est une histoire fascinante que celle du rouge pour faire de beaux habits rouges. D'ici là-bas, de n'importe où, de nulle part. Et d'ailleurs, on s'en fout. Nous, on l'avait appelé l'homme en habit rouge. De cristal et de feu, comme un ciel éclaté, comme l'aurore à la lumière. Fabuleux, il marchait, s'avançant dans le soleil, l'homme en habit rouge. J'avais rencontré là dans un bar, sur une planète vraiment bizarre. Il fumait des fleurs aux parfums étranges et qui semblaient l'envoyer jusqu'aux anges. Qui es-tu? D'où viens-tu? Miraculeusement apparu. Dis-moi, dis-moi, dis-moi d'autre part, de nulle part. Dis-moi quel est ton pays, l'homme en habit rouge. Il m'a dit, viens, je te ferai connaître ce pays d'où tu pourras enfin naître. Et j'ai vu des lacs aux couleurs étranges et j'ai cru entendre chanter les anges. Fasciné, envoûté, j'ai suivi l'homme, celui-là en habit rouge. Je marchais près de lui, rubis velours et sur le cœur des pavots rouges. De cristal et de feu, fleurs éclatées comme l'amour à la lumière. J'ai suivi, j'aimais, avec lui je vivais ma vie en habit rouge. Et puis il a disparu un soir, pour une planète encore plus bizarre. A fumé des fleurs aux parfums étranges, il a fini par rejoindre les anges. Apparu, disparu, magicien du matin, surgit de la lumière. Rendez-moi l'homme qui faisait ma vie en fleurs de feu et pavots rouges. Mon habit se ternit, mes fleurs se fanent et j'ai perdu ma lumière. Rendez-moi celui-là qui venait, je ne sais, d'ici là-bas, de n'importe où, de nulle part. Rendez-moi l'homme qui faisait ma vie en fleurs de feu et pavots rouges. L'homme en habit rouge. L'homme en habit rouge. sublime Barbara dans le cours de l'histoire sur France Culture. L'homme en habit rouge, rouge cochenille, sans doute. Mais avant que l'homme à l'habit rouge soit chanté par Barbara, il s'en est fallu des transferts de connaissances. Daniel Buty, la cochenille était utilisée par les occupants du Mexique avant l'arrivée des Européens. Comment le transfert s'est-il fait ? Il y a une observation très tôt, en fait. Il y a des écrits de ceux qui viennent et qui visitent ce monde nouveau qu'ils découvrent. Oui, alors, quand les conquérants sont arrivés, il y avait des soldats, bien sûr, mais très tôt, il y a eu également des religieux qui disposaient du savoir et qui ont fait un travail considérable pour transcrire notamment ces savoirs en utilisant la langue des Incas Nahuatl avec l'espagnol. Et donc, en fait, il y avait aussi des naturalistes et des gens qui se sont intéressés, qui ont voulu connaître les nouvelles plantes. Ce sont des découvertes extraordinaires qui dans ce nouveau monde. Et donc là, il y a les premiers travaux très très importants qui ont lieu avec cette fameuse controverse sur est-ce que c'est une graine, est-ce que c'est un insecte. Et il y a très tôt, les naturalistes au contact des populations savent que c'est un insecte. Mais on en a parlé tout à l'heure, il y a cette volonté d'avoir gardé le secret pour éviter de l'appropriation par d'autres. Bien sûr, une graine, ça pouvait se transporter. Un insecte, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, c'est une autre question de transfert qui s'opère. Parce que moi, j'ai envie de vous demander, mais où était produit ce pigment absolument magique ? Parce qu'il y a la volonté de dire, ramenons 3-4 bestioles en Europe, trouvons un pauvre cactus qui traîne, et puis allez-y, on y va, on fait de la production. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La cochenille a été éduquée et les Espagnols l'ont aussi réduit finalement l'aire de production au cœur du Mexique, au plateau d'Oaxaca. Et c'est dans cette partie-là que s'est effectuée cette production. Et donc, il y a eu cette volonté de contrôler, de garder, là, secrètement, jalousement. Mais il y a eu quelques fuites qui ont permis de faire sortir la cochenille à l'extrême fin du XVIIIe siècle. C'est un aventurier naturaliste français qui va mener une expédition pour s'emparer de la cochenille pour essayer de l'acclimater aux Antilles, notamment à Saint-Domingue. Alors là, c'est toute une épopée, de ce naturaliste Thierry de Menonville, qui, avec le soutien de l'État, du ministre de la Marine, va obtenir quelques crédits pour aller à Saint-Domingue, puis à La Havane. Et là, c'est vraiment rocambolesque, puisqu'il va se déguiser, il va se faire passer pour un médecin, il va arriver donc au Mexique, à Veracruz, puis il va essayer d'arriver par piste délicatement, se faisant passer pour un médecin, mais pour un curieux, pour essayer de trouver, de trouver cette fameuse cochenille et en ramener. Et il va effectivement en ramener. Il dit qu'il l'a payé, qu'il l'a acheté, parce que on l'accusera de vol, d'un rapt de cochenille, ce qui le rend furieux. Et il n'a pas volé, dit-il. Finalement, il ramène la cochenille. Il arrive donc à Veracruz, là aussi, avec, ça c'est rocambolesque, pour essayer de dissimuler ses cochenilles dans des boîtes. Il prend le navire à Veracruz pour se rendre donc à Saint-Domingue avec des tempêtes, des courants qui vont progressivement aussi l'éloigner de son lieu de destination. Mais il va arriver quand même à Saint-Domingue où il parviendra à acclimater une partie de la cochenille. Cochenille qui a d'ailleurs été repérée par les membres d'équipage qui étaient un peu surpris de voir ce produit qui était caché par Thierry de Menonville. Or, Thierry de Menonville avait la complicité d'ailleurs du capitaine. Il a dit, non, vous inquiétez pas, c'est pour faire un médicament contre la goutte. Bon, a-t-il trompé l'équipage? C'est peu probable. Mais Thierry de Menonville va donc acclimater, essayer. Mais finalement, il va échouer et disparaît avec une certaine amertume parce qu'on l'accuse de vol. Mais il y aura quand même un successeur pour planter des nopales et la cochenille à Saint-Domingue. C'est une aventure, cette aventure d'un insecte, bien sûr, mais de tous ceux qui sont en train de convoiter cet insecte. Nous écoutons Thierry de Menonville. Je ne crois pas me tromper dans les idées du juste et de l'injuste. Dérober la cochenille eût été, suivant moi, une bassesse et une injustice sociale à l'égard du cultivateur dont j'aurais expolié le jardin. C'est ce que j'ai toujours voulu éviter, et je crois y avoir réussi, car en l'achetant, je n'ai fait tort qu'à la nation de chez qui je l'emportais. Je me suis à ce moment considéré moi-même comme une autre nation à laquelle la nature avait donné les mêmes prérogatives et les mêmes droits à ses faveurs. Et si, après avoir offert de la payer au prix qu'on eût voulu arbitrer, tous les Indiens se dussent concertés pour me la refuser, je me serais cru alors, comme dans le cas de guerre, libre de la contrainte des lois sociales. Que l'on juge d'après ces sentiments que je viens d'exposer avec toute la sincérité dont je suis capable, si j'ai quelque tort à me reprocher. Si je décide d'après mon cœur, je ne me sens pas coupable. Mais sur un sujet si délicat, je ne dois pas me prononcer moi-même. Thierry de Ménonville se justifie dans son traité de la culture du nopale et de l'éducation de la cochenille dans les colonies françaises de l'Amérique. C'est un ouvrage de 1787 et c'est une lecture dans le cours de l'histoire sur France Culture de Marc-Henri Boisse. Oui, nous avons ici une justification dont je ne l'ai pas volée. Enfin, en tout cas, si j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est juste aux Espagnols, ce qui n'est pas bien grave. Malgré tout, ça y est, alors la cochenille est sortie de son précaré espagnol. Oui, et c'était quand même périlleux pour Thierry de Ménonville, car les Espagnols punissaient de la vie, hein, donc peine de mort, hein, pour quiconque voulait sortir de la cochenille. Donc elle est sortie, elle va être établie à Saint-Domingue par le successeur de Thierry de Ménonville. Daniel Bitti. Parce que Nicolas-Joseph Thierry de Ménonville meurt prématurément, il a 36 ans. Et en fait, la culture, il est dans le jardin royal qu'il avait obtenu de créer. La cochenille domestique disparaît, il ne reste que la sylvestre. Mais il y aura des successeurs qui viendront tenter de reprendre cette culture, et notamment pendant la période de la Révolution française, Brûlé qui est installé et qui va retenter, et qui trouve un procédé parce que n'a survécu que la cochenille sylvestre, mais elle a la particularité d'être plus cotonneuse, et elle est plus difficile à récupérer. Et donc, il trouve également une machine, et ils vont présenter lors d'un concours agricole, on va dire, ce produit, et il obtient le prix. Et à l'Assemblée nationale, un citoyen des Audrey, qui est un personnage important, puisqu'il a créé le lycée des arts pour la promotion agricole, il présente un drapeau bleu, blanc, rouge, fait avec les produits de nos colonies, l'indigo, le blanc, le coton, et le rouge teint avec la cochenille sylvestre, mais qui a le même éclat que celui teint avec une cochenille domestique. Voilà, c'est vrai que là, nous avons comme ça, d'un seul coup, un moment qui nous montre cette évolution du regard porté sur la cochenille, avec ses symboliques toujours très fortes. Et puis, ça y est, cette volonté de commercer à partir de production des colonies françaises. C'est ça. Et cette acclimatation va ensuite se poursuivre avec l'indépendance donc du Mexique. Les Espagnols vont acclimater cette cochenille aux Canaries. Et les Canaries vont être, au XIXe siècle, le plus important centre donc de production de cochenille. Il y aura des tentatives également qui seront faites en Italie, en Espagne et également en Afrique du Nord, avec l'introduction des cactus, le figuier de Barbarie, hein, qui est ce cactus. Alors il y a quelques tâtonnements, mais finalement la production semble être prometteuse au milieu du XIXe siècle. Oui, parce que dans les années 1820, vous avez raison, le Mexique obtient son indépendance de l'Espagne, donc les Espagnols ne peuvent plus profiter de cette cochenille, donc il faut l'adapter ailleurs. Est-ce que la production de cochenille demeure aussi importante? Parce que, eh bien, Gilbert Buti, vous nous dites, ça y est, la cochenille est adaptée un peu partout, formidable, nous allons pouvoir avoir tous du rouge absolument étincelant sur nous, ça va être sublime. Sauf que c'est une histoire globale et il faut prendre en compte l'industrie de ce qui se passe à côté. Et ça, la cochenille en pâtit. Il y a une forte concurrence. Il va y avoir finalement la cochenille en pâtit parce qu'il y a une augmentation de la production, donc baisse des prix, donc moins d'intérêt peut-être pour certains spéculateurs, mais surtout, ce sont les produits de synthèse, c'est l'industrie chimique qui va provoquer finalement la cassure majeure avec les dérivés de la houille. Bon, c'est peut-être un petit peu excessif, mais il n'y a pas une chute brutale de la production, mais il y a là une concurrence très, très nette, avec aussi une proposition à une plus large clientèle de la couleur rouge avec les produits synthétiques. Oui, parce que ici aussi, c'est un jeu de distinction évident. Et quand une couleur se diffuse, elle plaît moins à l'élite qui en avait le monopole. C'est vrai que, en plus, tous ces colorants chimiques, industriels, font du mal à la cochenille, parce que le rouge est beaucoup plus facile à produire. Comme pour l'indigo, comme pour toutes les teintures naturelles. Et donc, c'est vrai que ça, il y a certaines régions qui étaient des régions productrices, évidemment. Sont frappés de plein fouet et dans beaucoup de régions où on l'a cultivé, c'est quelque chose qui tombe, qui dit quasiment presque qui disparaît. Dans les années 70 au Mexique, il y avait plus que 4 ou 5 familles dans la région de Oaxaca qui avaient gardé le savoir-faire ancestral. C'est ce que je voulais vous poser comme question d'ailleurs. Est-ce que aujourd'hui encore, la cochenille est utilisée pour faire des pigments? Alors peut-être pour des choses extrêmement luxueuses, et je pense notamment à la peinture. Oui. Mais y a-t-il d'autres utilisations encore de la cochenille? Au 19e siècle et début du 20e siècle, des peintres étaient attentifs à la cochenille et avaient la volonté, en reproduisant sur leur toile des vêtements qui étaient des vêtements à la cochenille, d'utiliser le pigment pour s'approcher au plus près du rouge. Alors, avec quelquefois des pertes de vivacité. Oui, parce qu'au 19e siècle, on ne sait plus faire les glacis, on sait, comme les peintres d'autrefois, donc elles perdent à la lumière sur les tableaux, le plus célèbre étant celui de Madame Clapisson, dont le fond rouge a perdu de sa tonalité. Mais la grande utilisation, puisqu'aujourd'hui les quantités produites sont bien plus importantes que celles d'autrefois, c'est que c'est devenu un colorant alimentaire et que ce n'est plus le Mexique qui le produit en grande quantité, mais le Pérou, qui était le berceau des cochenilles sauvages et qui va adopter la culture de la cochenille domestique en grand pour produire ce fameux colorant alimentaire. C'est rigolo de se dire que quand Renoir peint Madame Clapisson, il se dit pas qu'il est en train d'utiliser un colorant alimentaire. C'est quoi sa référence à ce colorant? C'est un E 120. C'est le E 120. La particularité, c'est que on est dans les années 70 avec la remise en cause des colorants synthétiques tirés de la chimie. Sont supposés cancérigènes. Et donc, il y a un retour vers les colorants naturels. Et c'est là que la cochenille fait son retour. Et cette cochenille qui fait son retour, justement, sur les hauts plateaux mexicains, a-t-elle toujours été utilisée? Vous nous disiez que non, très peu, je ne sais pas, moi, des tenues dans une tradition, une habitude, une répétition de gestes. Retrouve-t-on encore cette éducation? J'ai bien retenu. Éducation. Il y a la volonté du Mexique d'essayer de renouer avec cette tradition, avec cette culture, avec ce patrimoine. Donc il y a à Oaxaca, c'est un musée qui a été dédié à la cochenille et quelques artisans qui utilisent la cochenille pour essayer de retrouver des gestes, des teintes de la cochenille. Mais le Mexique reste actuellement un producteur minoritaire par rapport au Pérou qui propose sur le marché 90% pratiquement de la cochenille. Non pas de la cochenille brute, mais le Pérou traite de la cochenille et livre sur le marché déjà un produit transformé, l'acide carminique, bien sûr, avec une plus-value dans la vente. Là, nous avons fait une longue traversée, en fait, de l'Amérique précolombienne jusqu'à nos jours avec ce colorant, le E120. Donc, dès que nous voyons quelque chose de rouge, on peut se dire qu'il y a peut-être un peu d'insectes derrière cela. Dites-moi, Daniel Buty, Gilbert Buty, historien, historienne qui travaillait sur un objet d'étude, les sources sont-elles importantes autour de la cochenille? Longtemps en marge des intérêts, parce que c'est sûr, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les épices. Il y a beaucoup de sources. Il y a des sources, oui, qui sont fragmentaires, éparpillées, dans indirect. Des multiples fonds d'archives, dans des sources indirectes. Oui. Donc il faut croiser vraiment là un nombre important de sources. Ce qui fait que le travail que nous avons effectué, c'est un travail au long cours, mais aussi un travail de petit cabotage dans les dépôts d'archives pour essayer de retrouver la trace de ces comptes d'achat, de ces statistiques, des tentatives de spéculation, et donc aussi de faire appel à des historiens de l'art, faire appel à des, donc, une pluridisciplinarité, pour essayer d'approcher au plus près l'objet de ces recherches. Oui, Daniel Buty, des anthropologues aussi, parce que nous sentons qu'il y a quelque chose qui est très lié à des phénomènes profonds de société aussi, avec ce rouge. Mmh. Oui. Et, évidemment, la couleur rouge reste toujours une couleur qui reste plus ou moins naturel. Des moments, c'est plus important que d'autres. Le rouge, par exemple, dans la Fashion Week, peut-être va donner des modèles avec des rouges flamboyants, puisque les femmes qui portent des belles robes rouges lors de grandes cérémonies, c'est fréquent. Mais la cochenille continue son travail invisible à travers les colorants alimentaires, avec aussi parfois une petite remise en cause avec les modes, le véganisme, ou c'est un colorant qui peut-être est un petit peu parfois encore tourmenté. Oui, mais c'est vrai qu'il faut le souligner, ça reste un insecte. C'est un animal. Et même si c'est un colorant, ça reste un animal. C'est cette histoire d'un insecte qui colora le monde, 16e, 21e siècle, rouge cochenille. Daniel Buty, Gilbert Buty, quand on travaille aussi longtemps sur un tel objet d'étude, vous avez beau avoir un regard mondial de la chose, et c'est ça qui est passionnant, hein, toujours partir du petit, du micro, pour aller au plus grand. Mais ça va, vous ne voyez pas trop la vie en rouge, tout n'est pas rouge tout le temps. Non, parce que évidemment, ça a commencé dans les années 70 quand on faisait notre master, on disait à l'époque le mémoire de maîtrise, et puis après on a continué à s'y intéresser. Évidemment, la vie de tous les jours n'était pas focalisée, bien sûr, sur... La vie en rose aussi, mais en rose, il y a rose cochenille, parce qu'il y en a, il y a toute une... C'est poétique de voir là toute la gamme, les noms des colorants utilisés, les couleurs utilisées. La vie en rose cochenille aussi. Mais Daniel Buty, vous êtes vêtu de rouge dans le cours de l'histoire. C'était mon petit clin d'œil. Merci vivement à vous deux. Rouge cochenille, histoire d'un insecte qui colora le monde dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site France Culture. Et sur l'application Radio France.